Talk. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Jean-Antoine Rioux nous fera sortir de notre studio avec sa chronique plein air. Et après avoir parlé de bois, on parlera de bois dans King Sexy Time. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 9 septembre 2014 et on se fait aller, Bras en dessous du bras parce qu'il fait chaud en studio. Mais bon matin à vous, frisquet bien sûr, encore une fois, ce matin. Hein? Ça dépend où vous êtes. Oui. Tout est relatif. On va au bulletin météo de chacune de vos maisons et appartements. Et pièces. Et pièces. Si vous ouvrez le frigo pour prendre votre pain de lait, ça se peut qu'il fasse un peu plus froid. Attention aux antidépressions. Aux antidépressions. Non, mais je pense... C'était ça que je voulais dire. Pas sûr que c'était ça que tu voulais dire. Aux antidépressions. En tout cas, bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, à l'émission, Jean-Antoine Rioux et sa chronique plein air du club plein air UQTR. Il y a plus de chances de savoir ce qu'il dit que moi. Sûrement. Donc, on va parler à un expert en tout ce qui est extérieur. Et en frigo, non? Oui, probablement. Non, ça a l'air d'un bon mangeur. C'est un bon Jack. C'est un bon Jack. Oui, exactement. C'est parce qu'il est grand. C'est ça, il est grand. T'sais, il a mangé c'est quoi, des carottes? Non, ça, c'est pour les yeux. Non, c'est pour les yeux, c'est des croûtes. Des croûtes. Des croûtes. Pour grandir. De pain. Ben oui. À préciser. Autour de ça, on va faire la chronique du mardi, notre classique qui s'appelle King Sexy Time. Bon. J'ai préparé un petit c'est un fait bonus, si jamais ça donne. Et d'autres affaires autour de ça. On verra. Ouais, on laisse aller les choses. Une chose à la fois. C'est pas une émission super remplie de chroniqueurs comme vous l'avez vu aujourd'hui, donc on va jaser, toi et moi. Ouais, ça risque d'être pertinent. Tout à fait. On va commencer en musique avec une nouvelle entrée. Palmarès est sortie depuis hier. On l'a fraîchement imprimé juste là. Et on va commencer avec une nouvelle entrée de Mister Valère featuring Karim Ouellette. Voici L'amour est un monstre. L'Halloween tombe vendredi, on peut rien faire. Ben oui, ramasser des bonbons. T'as raison, mais pour l'émission. Ah. J'ai vu que c'était pas clair. Crie mon nom plus fort, d'un peu plus près. Show me what you are. Dis-moi qu'est-ce que t'es. Si nos problèmes prennent le bord, si le compte à rebours repart. Quand on est dans l'ombre, puisque la nuit tombe. Au fond de tes bottes et des émotions fortes. Le vent se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour. Quand même, on n'est-tu pas quand on s'aime. Qui se lance. C'était Mister Valère featuring Karim Ouellet et L'amour est un monstre. Steph, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire-là? Tu sais, du côté anglophone, Debbie Tebbs featuring Mister Valère, et en francophone, c'est Mister Valère featuring Karim Ouellet. Tu trouves qu'il y a un désordre quelque part là-dedans? Mais moi, je pense que c'est plutôt Karim Ouellet featuring Mister Valère. Parce qu'il est là tout le long. Mais c'est parce que je verrais mal cette chanson-là sur un album de Mister Valère, ouais, alors que c'est très peu présent. Donc, ça serait plutôt l'inverse. C'est probablement sur un futur album de Karim Ouellet. Probablement. Et de l'autre côté, Debbie Tebbs, une illustre inconnue en ce moment, pour l'instant. En tout cas, elle commence à faire sa place. Donc, j'aurais mis Mister Valère en premier. Ah, mais ça veut rien dire. Mais non, c'est ça. Ça veut absolument rien dire. Exact. Ça dépend de l'artiste principal de la pièce. Qui a écrit la chanson et tout ça. Mm-hmm. Exactement. Donc, voilà pour Mister Valère, qui est présent partout en ce moment. C'est son bout de temps là, où il est partout. Le Mystère, c'est un groupe. Oui, non, bien sûr. Ouais. Ça nous amène à parler de choses vraies, plus vraies que ce qu'on a dit depuis quelques minutes. Voici, c'est un fait. Non, c'est pas vrai, c'est King Sexy Time, j'étais pas prêt. Voici King Sexy Time. C'est Kinky Sexy Time, la petite sœur dévergondée de C'est un fait, et on n'a pas de petite chanson à chanter, malheureusement, contrairement à C'est un fait. Oh oui, c'était pas... Qui es-tu? Dynamite. On commence avec... attends un peu. Excuse-moi, Steph, je t'ai mêlé un matin. J'ai ouvert les affaires de C'est un fait, puis j'ai parti l'intro de C'est un fait. Tant qu'à ça, on aurait dû faire C'est un fait. Ah! Ça aurait été moins compliqué, je pense. Je pense que ça aurait été pas mal moins compliqué. Donc, on a des petits faits kinky à se présenter. Il y en a 7 en tout. Commençons avec le premier. Où la vaginoplastie est très populaire en Australie. OK. Donc, une des restrictions par rapport à la censure qui a mené vers la vaginoplastie ou la popularité de la vaginoplastie, selon une enquête de The Anatomy Channel, la vaginoplastie est très populaire. C'est une petite chirurgie cosmétique qui enlève, ou en tout cas, enlève ce qu'on appelle l'emphysis labia, des lèvres de l'entregent féminin. Mm-hmm. Donc, on enlève une partie de ça, ce qui crée... une bouche, donc, si on veut, hein, c'est ça. D'une forme un peu plus comme un camel toe, comme ce qu'on voit dans les magazines où on voit juste une petite une petite cavité, si on veut. Ouais, ouais. Donc, pas mal moins prononcée. C'est en haute demande à cause des idéaux qui ont été distorsionnés en Australie à cause du Australian Classification Board qui n'aime pas l'apparence régulière, l'apparence normale des lèvres. En fait, c'est même banni dans les magazines. Le board force les photos dans les magazines, en fait, force les magazines à photoshopper les excess labia lips, donc c'est trop prononcé, pour donner une seule image qui est tout le temps partout la même. C'est bizarre, hein? Donc, on doit les enlever, peu importe le calibre de la top modèle, donc que ce soit la Playmate of the Year, que ce soit juste une modèle normale. Donc, il faut photoshopper ça pour aller selon les standards du board. Ça a eu donc des répercussions dans la vie de tous les jours et ça a augmenté la popularité des chirurgies vaginoplastiques chez les femmes pour réussir à aller à atteindre ce même modèle-là. C'est ridicule. Tellement. Des lèvres. Je vous lis des lèvres. Hein? Ouais, je sais pas, il me semble qu'il faut capoter avec pas grand chose. Ouais, vraiment. Et de toute façon, je trouve qu'il faut vraiment vouloir s'exposer pour désirer une chirurgie à ce point-là. Je veux dire, il me semble que c'est pas quelque chose qu'on expose tant que ça, justement. Non, c'est ça, c'est d'habitude assez privé. Hein? Ouais. Assez privé. Ouais. En tout cas. Mais bon, ensuite, quel animal a les plus grosses testicules? L'éléphant? la girafe? Relatif à son Mathieu corps. Plante? Non, merci. OK, par rapport à... OK, tout, c'est juste là. Juste là. OK, mais là, tu parles le ratio grosseur de l'animal versus le pouls. Le pouls, non, c'est un petit insecte qui s'appelle le tuberous bush cricket. Quel est le testicule? C'est 14% de son poids corporel. Wow, 14! Une sorte de cricket. Ouais. J'aimerais ça savoir ce que ça donnerait version humaine. Ben, en fait, ce serait comme si un homme de 200 livres avait des testicules de 28 livres. Ouch! De poids, de pesanteur. Donc, on s'attendrait à ce que de plus gros testicules produisent plus d'éjaculation à chaque fois, mais non, en fait, c'est faux. L'organe sexuel plus gros produit, en fait, de plus petites quantités de sperme par éjaculation. L'avantage pour ces gros testicules-là, c'est que ça augmente le sperme produit en général, au total, non pas juste à chaque fois. Donc, ça augmente son stamina. Le stamina, c'est genre ta durée de pompage, mais comment t'appelles ça? c'est ta menace. C'est l'endurance, genre, si on veut. Ouais. C'est ce que je dirais, mais c'est à peu près quelque chose comme ça. Ensuite, les mouvements de va-et-vient pendant les relations sexuelles sont faits pour créer un effet de vacuum. De vacuum. Ah! Sinon, c'est juste le fun. C'est juste le fun aussi. Donc, l'entre-genre masculin a un design très, très évolué. Comparé à nos ancêtres les plus proches, donc les bonobos, c'est une sorte de gorille, singe ou autre truc comme ça. Bref, l'entre-genre masculin est plus long et l'activité sexuelle dure plus longtemps aussi. Le bonobo se rend à l'orgasme après environ une minute de relation. Certains humains aussi. Oui, c'est ça. On va s'en dire, ça. Donc, les mouvements de va-et-vient dans les relations sexuelles chez les humains sont faits pour créer un effet de vacuum, donc pour essayer d'enlever le sperme du précédent mâle qui est entré chez la femme, donc avant de déposer, de faire son propre dépôt dans son compte débitel. Donc, aussi, une partie du sperme fonctionne comme spermicide. À la place de trucs fécondatifs. Donc, ça sert de spermicide en partie. À l'éjaculation, le gland, donc la tête du pénis, va rapetisser avant de perdre le stiff. Là, comment on appelle ça? Voyons, Caroline, le mot. Quand t'es dur, là. L'érection. Avant de perdre l'érection, Caroline, c'était dur. Donc, ce qui neutralise ensuite l'effet de succion. Ces traits-là, ainsi que les testicules qui sont quand même assez gros relativement au corps et comparé aux autres primates, suggèrent que les humains primitifs étaient de façon prédominante polygames avant que l'agriculture arrive dans le paysage. Oui, c'est ça que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est un peu désuet. C'est ça. Ça sert plus ou moins à grand-chose. C'est sûr qu'à certaines occasions, ça va servir à quelque chose. C'est pas tout le monde qui est monogame et ou fidèle. Donc, mais je pense que c'est un peu moins utile aujourd'hui. À peine. Ensuite, les tigres. Retournons chez les animaux. Les tigres qui ont des relations sexuelles plus de... attends un peu, on va le dire plus tard dans l'article à la place. Pour essayer de... parce qu'on va parler un petit peu des tigres avant ça. Le tigre, qui est la plus grosse espèce féline, avec une longueur corporelle qui peut aller jusqu'à 3,3 mètres ou 11 pieds, et un poids jusqu'à 306 kg ou 670 livres. Ce qui est le plus reconnaissable chez le tigre, c'est évidemment son pattern sur sa fourrure. Donc, il y a des bandes verticales foncées sur une fourrure rouge-orange avec un ventre plus blanc. Dans les zoos, les tigres vivent entre 20 et 20, ont déjà vécu jusqu'à 20 à 26 ans. Ça peut aller jusque-là. C'est à peu près la même chose que leur longévité dans leur territoire naturel, donc pas dans les zoos. Ils sont territoriaux, généralement solitaires, mais quand même sociaux. Donc, c'est ça. Finalement, bref, on dit qu'ils vont avoir des relations sexuelles jusqu'à 50 fois par jour. C'est le fait qu'on voulait savoir. 50? 50 fois par jour. Pas à l'année longue, certain. Non, c'est ça, c'est en période reproductive. OK. Ça peut aller jusque-là. Quand même. Mais en temps normal. La raison pour laquelle les hommes homosexuels existent, ça a rapport apparemment avec le reste de leur famille. C'est quand même assez intéressant. J'ai lu l'article. On va essayer de le comprendre correctement. Okay. Donc, c'est une nouvelle étude par une université en Italie qui nous amène quelques réponses par rapport à l'existence des hommes gays. Si on y pense, évidemment, ben, je pense que ça, tout le monde le sait, l'existence en tant que telle n'a pas vraiment de raison d'être évidente. Parce qu'on s'entend que si l'homosexualité est génétique, les hommes qui vont hériter de ce gène-là n'auraient pas d'enfants, ce qui veut dire qu'éventuellement, ils allaient disparaître. Ouais. Donc, ça n'a pas vraiment de sens que ça existe. L'université de Padova en Italie a trouvé une corrélation entre la gaieté des hommes et le succès reproductif plus élevé, en fait, le taux de succès reproductif plus élevé chez la famille, dans la famille autour de ça. Donc, les mères et les tantes des hommes gays ont tendance à avoir plus d'enfants comparés aux autres. Lorsqu'on regarde ça comme ça, donc l'homosexualité chez l'homme est genre un échange génétique. En passant ce gène-là, le gène homosexuel, les chances que ton enfant ne se reproduise pas sont élevés, mais tu vas aussi avoir plus d'enfants. OK. Ce qui veut dire que tes chances que ton gène continue sont plus élevées, selon cette étude-là. Oui, mais avoir plus d'enfants, c'est... Je veux dire, ça peut être un choix aussi. Ça peut aussi être un choix, en effet. C'est sûr. C'est sûr. Donc, l'étude, en fait, nous amène à une hypothèse intéressante par rapport à cet échange génétique. Là, chez les hommes et les femmes, on dit que ce trait-là fait que les femmes sont plus attirantes pour les hommes. Donc, être plus attirante veut dire qu'elles vont faire, ça veut dire qu'elles vont pouvoir s'accoupler avec de meilleurs partenaires, nous dit l'étude. Ils nous apprennent aussi que les mères et les tantes d'hommes gays ont certains avantages par rapport aux autres mères et tantes d'hommes hétérosexuels. Elles sont plus fertiles. Elles ont moins de désordres gynécologiques et de complications pendant leur grossesse. Elles sont plus extraverties, plus drôles, plus heureuses, plus relaxées et ont moins de problèmes familiaux. Là, évidemment, c'est de la corrélation. On peut faire dire bien des choses à ces choses-là. Les causes de l'homosexualité, évidemment, sont toujours, ont toujours pas été découvertes. La théorie dominante chez les experts est qu'il y a un nombre de facteurs qui causent ça et non un seul gène particulièrement. Par contre, cette recherche-là nous suggère que même si les hommes gays ont peu d'options par rapport à la reproduction, ça donne un avantage certain aux femmes de sa famille, de leur famille. Intéressant. Intéressant, mais en même temps complexe comme sujet. L'invention du mode autopilote dans les avions a mené à la création du Mile High Club. On connaît tous le Mile High Club, c'est là où tu vas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dans les airs, dans un avion. C'est connu apparemment. Donc, ça a commencé avec l'invention de l'autopilote, les pilotes automatiques, qui donnaient aux pilotes plus de temps libre soudainement, et donc les avions étaient plus sécuritaires en même temps. Les pilotes pouvaient faire plein de choses avec leurs mains à ce moment-là, et leur corps, bien sûr. Donc, l'invention du pilote automatique a mené à la création de plusieurs possibilités. Lorsqu'ils donnaient une leçon de vol à une femme mariée, ils ont commencé à avoir des petites relations kinky et finalement, ils ont accidentellement éteint le mode pilote automatique, ce qui a fait que l'avion a planté dans le Great South Bay. Ils ont ensuite été sauvés. L'inventeur et son étudiante étaient complètement nus, mais ils ont réussi à trouver une petite explication disant que leurs vêtements s'étaient envolés lors du crash et lors de l'atterrissage dans l'avion quand ils ont les vêtements. Mais j'allais dire, comment ils ont fait pour savoir ça? Je pensais qu'ils seraient morts, étant donné qu'ils ont crashé. Mais dans le fond, Great South Bay, je crois que ça doit être un cours d'eau. Donc, tu peux quand même mourir si tu crashes dans un cours d'eau. C'est sûr. Je me suis dit, c'était peut-être écrit dans la boîte noire. Là. John et Lisa étaient tout nus. Ça manque de caméra, ces histoires-là, pour vraiment voir ce qui s'est passé. J'imagine que le son était quand même assez évident dans ce cas-ci aussi. Quelle idée? Je sais pas, je connais pas ce couple-là. En fait, couple. C'est pas vraiment un couple, Deux personnes, c'est un couple. Ouais. C'est ça. Les tests de grossesse dans les magasins à 1$, est-ce que tu ferais confiance à ça? Pas du tout. Pas du tout, toi, t'en achèterais pas. Moi, ce que j'ai lu, peut-être que, je sais pas, j'ai aucune idée de la source, mais c'était qu'il y avait autant de faux positifs que de faux négatifs avec ces tests-là, donc c'était totalement aléatoire. Mais sais-tu quoi? C'est en partie vrai. C'est que en fait, les tests de grossesse des magasins à 1$ et les tests de grossesse normaux réguliers sont égales en étant pas fiables les deux, genre. Ah ouais? Donc, la plupart des femmes américaines vont payer environ 8 fois plus cher pour un test de grossesse à la maison parce qu'ils ne veulent pas les acheter dans un magasin à 1$ parce qu'ils ont, ils ont pas envie de justement d'avoir un faux positif. Selon la source de cet article-là sur assemblagerequis.com, Dr. et Dr. Michael Slowey, qui est un endocrinologue reproductif à la Coastal Fertility à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Il y a un long nom, là. C'est la Coastal Fertility Specialist, là. C'est une boîte là-bas, les spécialistes. Donc, selon ce médecin-là, il confirme que la technologie utilisée est la même dans tous les tests de grossesse de base, peu importe où vous les achetez. Ils sont faits pour détecter l'hormone de grossesse et lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils sont complètement égal. Slowey note, par contre, que si la boîte dit que c'est plus de 99% de précision, ça dit souvent ça sur les boîtes, peu importe la marque, il faut réaliser que le pourcentage est dans des conditions de laboratoire. C'est utilisé à la maison par un public en général, la précision de ces tests est d'environ entre 75 et 80%. La précision d'un test à la maison est surtout liée à comment c'est utilisé. Si les directives sur la boîte sont suivies à la lettre et que la date d'expiration est vérifiée aussi avant d'utiliser, ça n'importe très très peu. Où vous l'avez acheté, combien vous avez payé pour. Ah ouais. Selon ce docteur-là en Caroline du Sud. Eh bien, je serais curieuse d'aller voir d'autres références, mais j'aurais quand même tendance à douter. C'est dans le fond, le bâton est le même, la façon de vérifier l'hormone est la même, selon lui. Ben, je sais pas. Écoute, des fois, du savon à vaisselle acheté là-bas. Si c'est quelque chose d'une marque inconnue, ben, il marche moins bien, non? C'est peut-être psychologique. C'est toi qui est naïve. Je suis du même avis que toi. J'ai de la misère à acheter des affaires dans ces magasins-là qui sont pas les marques connues, avec des plus petites bouteilles minuscules. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien. Il y a des produits qui, en effet, fonctionnent moins bien. C'est sûr. Il me semble qu'il y a des tests de grossesse. T'achèterais-tu tes Tylenol au Dollarama? Est-ce qu'il y a des médicaments? Non, non, mais si en vendait, ils achèteraient-tu là? Parce que techniquement, ce serait sûrement exactement le même médicament. Mais non, je pense pas. Peut-être pas que ça serait exactement le même. Je sais pas. Qu'est-ce qui te le prouve? Ben, tu sais, les marques maison des grandes chaînes de pharmacie. Là, les marques maison, c'est à la pharmacie. Ouais. C'est approuvé avant d'être c'est là. Ça. Mais qu'est-ce qui approuve les produits vendus au Dollarama? Parce qu'en tant que tel, c'est un produit médical. Donc, ça devrait être approuvé, non? Parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de médicaments dans bien des magasins. C'est parce que mais ça c'est ça, demande mais l'approbation. Probablement que le test de grossesse n'a pas besoin d'approbation quelconque pour être vendu là. Sinon, ça ne serait pas vendu là. Exactement. Oui, ça nous fait nous poser bien des questions ce matin, ça. C'est un peu plus que non, mon cerveau s'attendait. Ouais, j'ai mal à la tête. au retour, tout à l'heure, on va faire un petit c'est un fait. On a ça plus tard. On a aussi Charles-Antoine Rioux qui s'en vient avec sa chronique sur le plein air. Nous avons reçu une nouvelle entrée de The Stripes. C'est Mystery Man. On les connaissait pour leur chanson classique You Can't Judge a Book by the Cover, qui jouait beaucoup cet été. Mais donc, Mystery Man, The Stripes, tout de suite au 89.1 FM. C'est Mystery Man. On vient dans quelques instants avec Charles-Antoine Rioux, sa chronique du Club plein air. On va faire du bien, prendre l'air. Un peu. Pas trop longtemps. Ouais, me semble, toi. Fou d'originalité. Sur le campus. C'est le 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et on accueille quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, je pense depuis le mois d'avril, à moins que je me trompe, peut-être même mars. Avant ça, je dirais même novembre, décembre. T'es sérieux? Ouais. Wow. C'est Charles-Antoine Rioux, vous l'avez reconnu par sa voix sensuelle. C'est la chronique du Club plein air UQTR. Allô, ma chanson de thème. Oui, dévale une pente, OK? On se part de bien, bien haut. Sans rien. Charles-Antoine Chuck Tony, bonjour! Bonjour! Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais à chaque fois qu'on se rencontre, on parle de plein air, tout le temps un sujet des plus diversifiés. Effectivement, on essaie de faire quelques petites... essayer de découvrir ce beau monde, petite bouchée, petite bouchée. Qui est à l'extérieur de nos 6 murs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en haut en bas. Ben, le plafond puis plancher, plancher, ça compte pas. Non? Trop non. Pas. Bref, hein? Donc, on va parler de ton sujet et ensuite, on parlera du club plein air et des activités plus tard. Comme d'habitude. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une des... je dirais pas une des plus grandes nuisances, mais un des plus grands dissuasifs que les gens ont d'aller faire du plein air. Est-ce que vous avez une idée de quoi j'aimerais parler ce matin? Les bibittes? Ouais, les oui. Bibittes. Ouais. Exactement. Hey, c'est bon aussi. Ouais. High five à distance. C'est ça qui me fait suer, moi. Si c'était pas de ça, on irait tous dehors tout le temps. Non, je suis sûre que tu trouverais d'autres raisons. Ouais. Genre, oui, mais je pense qu'il fait chaud, il fait frais, c'est humide, faut que je bouge, il y a du sable dans mes bobettes. C'est agréable, le sable. Mais les bobettes, ça, c'est... Mais non, en fait, effectivement, je suis sûr que c'est sûr que c'est pas la seule chose qui je pense qui empêche les gens ou qui retient les gens de jouer dehors un peu, mais c'est souvent une des plus grandes nuisances, et en particulier le fameux moustique. Et cette année, ça a été une année assez atroce pour le moustique. En fait, il y a plusieurs facteurs qu'on va voir dans quelques instants qui font que des années, il y en a plus, des années, il y en a moins. Et au Québec, en général, et particulièrement à Trois-Rivières, cette année, ça n'a pas été une bonne année pour le moustique. Ben, pour eux, oui, mais pas pour nous autres. C'est ça. Okay, eux sont ouais. Bien heureux là-dedans. C'est ça. Alors, et là, on va commencer par voir un peu, c'est qu'est-ce qui fait que une année est bonne ou mauvaise pour les moustiques. Et après ça, c'est quoi les trucs qui marchent pour de vrai pour les éloigner, puis c'est quoi les mythes? Ah, bonne idée, parce que là, les gens vont aller faire du camping pas mal, là, ouais, l'automne. Oui, avec les couleurs qui s'en viennent à l'automne, souvent c'est le fun. Ben, de la randonnée plus. Mais camping aussi, c'est le meilleur temps parce que c'est souvent à la fin de l'été que les moustiques, que la population de moustiques tend à diminuer un peu. Donc, fin août, début septembre, on a les couleurs, il fait plus frais, on a moins de baisse. C'est souvent là que les gens vont vraiment profiter de la nature un peu plus, point de vue randonnée, oui, camping aussi un petit peu. Mmh. Donc, d'abord, il faut comprendre qu'il y a à peu près 60 espèces de moustiques, une soixantaine au Québec. Et chaque espèce a son espèce de période d'éclosion dans l'année. Donc, ils ne vont pas éclore en même temps. Chacun a son air, chacun a sa moustiquaire. Si, oh, tout un petit. Oh boy. Alors, leur éclosion dépend de plusieurs facteurs. Et les années où il y a beaucoup, beaucoup de moustiques, c'est les années où est-ce qu'il y a des limites, il y a des contraintes dans l'environnement, dans la température, qui fait qu'ils vont tout éclore en même temps. C'est, ou plus rapprochés, si on veut. Je ne sais pas si vous me suivez un peu, mais... Donc, évidemment, le principal facteur, c'est l'eau. Le moustique, c'est un insecte qui va pondre ses œufs dans l'eau. Les larves vivent dans l'eau. En fait, les larves, c'est dans les principales filtreurs d'eau naturels. Donc, ça c'est bon pour nous, en fait. Souvent, les gens demandent à quoi sert un moustique dans la nature. Oui, ça nourrit plein de bébites, mais c'est fatigant. Oui, mais c'est pas mal l'insecte qui va filtrer le plus d'eau pour nous autres. Quand donc, même. C'est vraiment important, en fait. Le moustique a sa place dans l'environnement. Ceci dit, le moustique va pondre ses œufs dans l'eau. Les larves vont éclore là. Donc, ça prend de l'eau stagnante. Donc, une année qui est très, très mouillée, où il pleut beaucoup, où il est très humide, il va y avoir plus d'eau stagnante, il va y avoir plus de moustiques parce qu'il va y avoir plus d'œufs qui vont éclore. Donc, à part ça, c'est ça. Par contre, cette année, ça n'a pas été une année si mouillée que ça. Donc, c'est pas pour ça. La principale raison, c'est que cette année, c'est le printemps qui était très tardif. Ça prend de la chaleur pour que les moustiques, pour que les larves des moustiques puissent survivre. Mm-hmm. Ça prend de la chaleur assez tôt dans la saison. Et ça prend aussi de la chaleur. C'est ça, de l'eau et de la chaleur. L'eau de la chaleur. Et de l'eau, et de ainsi l'eau. Que de la chaleur. C'est ça, ça prend ces quatre choses-là. Ces quatre choses-là. Donc, pour ça, par contre, comme le printemps était assez tardif, la chaleur est arrivée plus tard. Ce qui fait que les moustiques qui auraient dû éclore plus tôt au printemps ont éclore en même temps que les autres qui sont normalement plus tard. Donc, on a eu beaucoup en même temps, beaucoup de populations en même temps, ça fait qu'il y a beaucoup de moustiques. Ça, c'est fatigant. Il y en a le même nombre au total sur l'été au complet. Exactement. Mais ça donne l'illusion qu'il y en a plus en et même temps. Ça. Okay, et c'est surtout ça, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup en même temps. C'est ça qui est agaçant un petit peu. Les fameux mythes pour savoir comment, les mythes, les vérités et les mythes pour savoir qu'est-ce qui est loin, qu'est-ce qui ne donne pas les moustiques. On va continuer avec ça. Le premier que tout le monde connaît, c'est le chasse-moustique. Ben oui, les produits Off. Off ou du Watkins aussi. Oui. Ces produits-là, en tant que tels, ne vont pas éloigner les moustiques. Ah non? Il est dessus. Non, non plus. C'est ça qui est plate. Des choses comme le Watkins, qui sont très, très efficaces, contiennent du DEET, qui est l'élément actif, l'élément chimique. Et cet élément-là fonctionne seulement parce que quand la moustique rentre en contact avec ça, ses pattes fondent. Hein? Donc, on se met ça sur la peau, et là, il va y avoir autant de moustiques autour de vous, mais quand ils vont arriver se poser sur vous, là, ils ne vont vraiment pas ça parce que leurs pattes fondent. C'est un peu déplaisant. Là, ils vont s'en aller. Ce qui n'est pas agréable avec ça, c'est que c'est pas bon pour la santé. Parce que cet élément-là est aussi soluble par la peau. On l'absorbe jusque dans le système sanguin quand on le met sur, okay. Fait qu'on sur la fond, peau. Finalement. On fond pas, fond. Mais c'est pas bon pour vous. Ben, si ça donc, fait fondre les moustiques, je pense qu'on peut un peu imaginer à petite échelle ce que ça peut nous faire. C'est ça. Donc, ça éloigne pas les moustiques. Ils vous piqueront pas, mais c'est pas bon pour vous. Donc, ça fonctionne, mais semi. Les autres choses, comme, plus comme le off, où il n'y a pas de dit à l'intérieur, mais c'est plus des choses comme du parfum ou la citronnelle, par exemple, ou la lavande. C'est deux odeurs aussi qu'on dit qu'il y a beaucoup les insectes. C'est vrai que c'est à un certain point, les insectes n'aiment pas cette odeur-là. Par contre, c'est pas l'odeur qui fait qu'un moustique vous trouve. Il y a deux choses que les moustiques utilisent pour trouver leur proie. C'est la chaleur, comme pour éclore les œufs, et le CO2. C'est comme ça qu'ils trouvent leur peau où aller piquer. Ça donc, sort de notre bouche. On l'expire et la chaleur, vous en produisez naturellement. Mais là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a beaucoup de moustiques, souvent les gens s'énervent, commencent à battre des mains, là, vous ne voyez pas. Fait qu'on produit encore plus de chaleur. Plus de chaleur et plus de CO2 parce qu'on s'essouffle plus. Ah, ben oui. Donc on les attire plus. Donc. Fait que c'est vrai le truc de grand-mère, ignore-les puis ignore-les. Ils vont partir. Ignore-les, exactement. Fais-tu une méditation, sois zen. Tiens ton souffle, cache-toi en dessous de l'eau. Mais non, c'est ça. Donc, l'odeur fonctionne jusqu'à un certain point. C'est pas hyper efficace. Des choses comme ce qu'on mange, c'est pas tout à fait vrai non plus. Le monde dit que tu manges beaucoup de bananes, tu vas avoir beaucoup de moustiques. Mm. C'est pas vraiment vrai. Pfiou. Ah, c'est bon des bananes en camping, c'est fatigant. Moi, personnellement, pour avoir travaillé comme guide de plein air un peu, la seule chose qui a véritablement marché, c'est de l'ail. De l'ail. Ah, manger de l'ail. C'est ça, le vampire, l'ail, hein? Ouais, ah oui, mais oui. Le vampire, t'as une gousse d'ail autour du cou. Non, c'est ça, il faut le manger. Ah. Et là, moi, je suis allé jusqu'à manger une gousse d'ail crue par matin en expédition. Et là, on vient qu'à suer l'ail. Vos vêtements sentent l'ail, votre wetsuit sent l'ail, le sac de couchage sent l'ail. Mais ça marche, ça éloigne les moustiques, les humains, les ours, tous les amis, c'est ça que j'allais dire. Mais ça, j'imagine que l'idéal, c'est que tout le monde mange de l'ail. Oui, un petit road trip au Taouk, là, El Taouk. Pierre, comment ça? Extra sauf à l'ail. Ouais. Mais oui, moi, en fait, c'est la seule chose que j'ai vue qui a vraiment fonctionné. D'autres choses que les magasins vont dire, il y a des patchs, un peu comme des patchs pour la nicotine, mais de vitamine B12. Okay. Ou des pilules de B12. Votre pipi sent vraiment fort, mais ça marche pas vraiment plus. Ah. Donc, ça, c'est plusieurs trucs qu'on va dire. En tant que tel, le vrai meilleur truc avec les moustiques, c'est de comprendre que le problème avec les moustiques, c'est pas le fait qu'ils en aillent, c'est le fait qu'ils vous dérangent. Ils font partie intégrante de l'écosystème. Ils ont un rôle important à jouer, autant à éteindre la nourriture pour beaucoup d'autres bébêtes, puis à filtrer notre eau. Il faut juste qu'on accepte qu'ils soient là. Puis lorsqu'on accepte ça, puis qu'ils nous dérangent plus, il y a plus de problème qu'il y en ait parce qu'ils ne vous dérangent pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la tête. Ouais, ouais. C'est ça la véritable chose d'être les moustiques. C'est de les apprivoiser, ouais. Faire d'eux des moustiques domestiques ou de moustiques. Ouais. était de qualité. Ouais, okay. Donc, c'est ça pour les moustiques. C'est faux. Fait que bref, c'est de l'ail puis un peu de yoga avant d'aller dans la ouais, forêt. C'est ça. Restez zen puis mangez du taouk. T'as pas besoin de m'en dire plus pour me convaincre, je te dirais. Hein? Je pense que t'as un public convaincu sur l'ail. Quand même, on aime ça. Hein? Ouais, mais pour une fois que t'es convaincu puis t'as le goût d'aller en forêt, là. C'est ça. Ben, j'ai pas jusque-là. Chose à la fois, là. Je commence par le taouk. Après, on verra. C'est fait beau. Mais moi, c'est pas tant les moustiques, le maringouin qui me dérange en forêt. C'est les titons à chevreuil, là, qu'une fois qu'ils ont décidé qu'ils te tournaient autour de la tête, ils te lâchent pas. Ouais. Il y a plusieurs autres nuisances, piqueurs comme ça. Puis eux non, autres... non, ça, c'est mordeur. Non, c'est piqueurs, ils ont vraiment un dard. Ah! En fait, ouais, c'est ça. Le moustique, il y a une espèce de paille qui rentre dans votre peau, puis il va sucer le sang. Les petites mouches noires. Tout petit, qui pique, là. Ça, c'est vraiment ils vont vraiment mordre. Ils mordent un peu de peau, puis ils vont boire le sang. Mais les gros thons à cheval, puis les thons à chevreuil, ils ont un. Si en tue un, puis il est encore en bon état pour l'observer, là. Verrez-le. Puis quand on tasse la langue, qui en fait sa petite bouche, il y a vraiment un gros dard, puis ils vont. Percer ça doit un être trou, énorme. Puis ils vont boire le sang que ça. Ouais, c'est assez long, en fait. Ça fait assez mal. Eux autres, malheureusement, sont moins réactifs que les moustiques à l'ail. Mais eux autres sont tellement gros qu'on peut juste décider de les puncher ouais, d'en face. Ouais, c'est ça, mais quand on a juste un là, qui nous tourne autour de la tête, là, il est là longtemps. Là. Ah ouais, c'est... C'est fatigant. Mais ouais, encore là, c'est font partie yoga, de la nature. Yoga. Faites pas la même erreur que moi. J'ai fait de la randonnée cet été avec Kiwan, ancien co-animateur d'assemblage de Conseil. Il y a même des preuves là, de ça, si jamais vous croyez pas. Il y a des photos sur Facebook. Je me suis pas mis de produits dans les cheveux. Je me suis dit, bon, tu sais, les produits dans les cheveux, ça attire les moustiques. Je le sais, quand je viens dans le bois, je passe par le bois tous les matins et tous les soirs et les moustiques sont attirés par mes produits pour les cheveux. Ils restent collés dedans. C'est ça. Mais non plus, tu sais, le désodorisant est peut-être pas une bonne idée en randonnée. Ça attire aussi, apparemment. Donc, Faites votre mâle viril qui sent le mâle. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas se laver. Pas jusqu'à pas se laver parce que l'hygiène reste importante, mais tous les produits odorants, du savon qui est parfumé, du shampoing, du déodorant, oui, c'est vrai que ça attire aussi, plus. Tout ce qui a un petit côté sucré, en fait, va souvent attirer. Ah, moi aussi, ça m'attire, ça, par exemple. D'ailleurs, tasse ça de mes cheveux. Ah, excuse. Mais non, se laver, c'est quand même important. Puis l'odeur d'un savon normal, comme du Irish Spring ou du Dove, c'est pas si pire que ça. C'est bon. Cool. Mais certes, on retient ça. Le club plein air UQTR ou UQTAIR existe et on l'aime. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi la mission pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas? Pour les nouveaux cette année, la mission, c'est vraiment d'offrir à tous les étudiants, à toute la communauté étudiante de l'UQTR, des activités de plein air à moindre coût. Qu'on puisse découvrir un peu c'est quoi les belles disciplines du plein air, qu'on puisse en profiter et avec des gens un peu encadrés, en fait, des gens qui se connaissent un peu, qui sont là pour vous aider, pour vous initier et encore une fois à moindre coût. Donc, on est présentement en train de recruter, on cherche des gens justement pour venir s'impliquer. Comme c'est un comité qui à chaque année, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Il y a un roulement. Donc, tout le monde est bienvenu. Ça prend pas grand chose, en fait, ça prend un petit peu de motivation, une rencontre aux deux semaines à peu près. Et puis, l'intention d'organiser au moins une activité. Donc, par vous-même, si vous avez une bonne idée, venez nous voir. On vous dit oui, ça marche, non, ça marche pas. Si ça marche, on vous donne l'argent, on vous donne le soutien, puis on l'organise. Ça marche un peu comme ça. Génial. Prochainement, les premières activités de l'année, il va y avoir la classique après-midi slackline qu'on fait toujours pas très loin du pavillon ici. On monte une sangle entre deux arbres, puis on fait du funambulisme, puis on permet d'essayer du funambulisme, puis on donne du thé. Donc ça, c'est cool. Pour réchauffer les cœurs de ceux qui pas faire les dents en même temps. C'est un ou l'autre. Et après ça, on va peut-être, si la température est clémente, je vais peut-être organiser une petite randonnée découverte mycologie, donc la randonnée à cueillette de champignons. Ça, ben oui. C'est fun, ça! Pas mal! Donc, surveillez-nous. On a toujours notre site internet au www.uqtarlalettre.ca/UQTAIR. Et on a aussi la page Facebook. Cherchez UQTAIR sur Facebook. On est là et on répond assez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répond assez rapidement. Fantastique. Et si l'activité sur les champignons est populaire, ensuite, il va y avoir la chasse au beurre et la chasse au poil pour pouvoir après ça faire des champignons au beurre en poil. Exactement. Une étape à la fois. C'est ça. Merci, Charles-André. Merci à vous. On te retrouve aux deux semaines comme toujours? Oui, comme toujours. C'est les lundis matin à 8h. Mardi matin à 8h. C'est ça, j'étais, tu sais. Le mardi matin à 8h, c'est clair. Tout le monde le sait. Oui, ça c'était mardi, c'est comment ça? On est mardi. Oui, à 8h. OK. Parce que les 8h et 11. Donc, si on recule de 11 minutes, il était 8h. Environ. 8h. C'est là que j'étais arrivé. N'importe quoi, oui! Non, ça se pourrait être arrivé comme plus avant. Ah ouais? Un petit 8h moins... Ah. Moins 5. Ça, c'est le ponctuel en moi. Ben, t'as bien fait ça. C'était en effet la première personne ponctuelle, je pense. La deuxième à date. Puis moi. Ouais, ben, c'était pas chroniqueuse, hein? T'es un morceau, une fondation de l'émission. Tu vois, peut-être pas. Un des morceaux qu'il faut qu'on assemble grâce à l'assemblage. C'est ça, assemblage requis, en pièces attachées, etc. Il connaît les slogans et tout. Ben ouais, on dirait quasiment qu'il nous écoute. Ben c'est ça. Merci Charles-Antoine. Merci à vous. Chuck Tony aux deux semaines, mardi, 8h. On continue avec une pièce musicale. On s'en va entendre un nouvel extrait encore. C'est ce qu'on fait en ce début de semaine. Oui, on est mardi. Ça compte encore comme début de semaine. Voici Caravane et Chien Noir. Wouf wouf. Ben ça a l'air d'un chien. C'est l'imitation d'un chien avec des mouches qui tournent autour. C'est pour ça qu'il est noir. C'est comme une mouche noire, mais un chien. Noir. Raciste. Raciste. Le rock'n'roll est mort. Je veux pour tourner ses bas d'école. Le rock'n'roll est mort. Ça fait un bout que je joue avec le feu. J'aime ce quand c'est dangereux. Quand il y a la lune, il y a tes yeux. Je rêve d'une route qui finit plus. Dis-moi que je suis pas trop vieux pour ça. J'veux pas être ton black dog, mais ta fucking chien. J'peux pas être ton black dog, mais ta fucking chien. Qui je suis, mais je sais ce que je serai jamais. Je sais pas trop qui je suis. Je peux pas toujours être qui t'a envie. J'ai le goût de sacrer mon cœur d'ici. t'es la plus belle quand tu souris. J'ai plus de ciel, j'ai plus d'océan. Ça m'enrage, c'est plus comme avant. Je pourrais être ton black dog, mais t'as fucké le chien. Je pourrais être ton black dog, mais t'as fucké. Black Dog, méga fucking chien, Steph. Méga fucking chien. Ça, c'est des grandes paroles. Oui, c'est exact. Caravane et la pièce Chien Noir, assemblage requis. Maintenant, on aime des fois établir une liste sur un sujet. Par exemple, je sais pas, si on avait à faire des liens par rapport à un chien, on pourrait parler de ses pattes, de ses poils, de sa grosse queue. Hein? De, oui, poilu. Poilu. Voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Hier, on a commencé avec des trucs d'école. C'était quand même intéressant de parler de l'école dans les années 1800. Oui. C'était fascinant. Fascinant. Là, on va des années 80, c'est ça? Un petit peu plus récent, 80-90, pour aller se rappeler de choses qu'on avait à l'école, des trucs de back to school, c'est quand on s'équipait avec nos parents dans les grandes surfaces, avec différents produits, tous plus utiles les uns que les autres. Par exemple, commençons avec le Trapper Keeper, qui est le nom officiel de ce célèbre cartable à velcro. Oui. C'est avec ça, le flap sur le côté. Ben oui, le reflap là, qui revient. Flap et reflap s'en vont en cartable. Celui-là, sur la photo, sur assemblagerequis.com, a des dauphins. Est-ce que les tiens étaient aussi beaux? Moi, je me souviens pas en avoir eu. T'as pas eu ça? Non, je me souviens de l'existence de, mais pas d'en posséder un. Et on peut mettre plein d'affaires dedans. Tu peux mettre ta calculatrice beaucoup trop chère. Ben oui, ben oui. Et apparemment que ça fait un comeback. Ça fait là, on peut acheter, comme tous les cartables réguliers, il y a aussi des Trapper Keeper et des couvertures de cartables, de tablettes, pardon, des couvertures de tablettes pour votre iPad. Ah, tant mieux. En Trapper Keeper. Vous pouvez même acheter les modèles d'origine tels qu'ils étaient à l'époque sur eBay. Avec des dauphins? Avec des. Je sais pas si avec celui. Peut-être les dauphins. Sinon, j'imagine que vous allez devoir le décorer avec vos propres dauphins. Ah. Votre cartable. Ensuite, des affaires qu'on connaît, évidemment, le Eraser Mate. J'en saute qu'on connaît moins au Québec. Eraser Mate par Paper Mate, ça existe toujours. C'est des stylos qui ont été développés qu'on pouvait effacer avec l'efface au bout. Moi, ça me passionnait à l'époque de pouvoir effacer du stylo. Ça m'a toujours impressionné comment ça fonctionnait, ces affaires-là. C'est cool. Donc, Paper Mate a pris plus d'une décennie à développer cette encre effaçable pour les crayons Eraser Mate. C'est arrivé dans le marché américain en 1979. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça avant la fin de ma scolarité, les crayons avec des effaces. Il y en avait sûrement, mais je l'avais juste pas remarqué. Moi, j'en ai jamais eu, mais en regardant ça, moi, ça fait penser, j'avais pas d'efface, d'efface carrée, ben, rectangulaire standard. Ouais. J'avais vraiment... Prisme. Non, mais tu sais, c'était comme un crayon, comme oui, un tube, ben oui, avec les effaces faites sur le long. Ça, j'ai jamais aimé ça. Moi, c'est ça que j'avais. Je trouvais que c'était très précis. Et en plus, ta gomme effacée était pas pleine du gras de tes doigts. Parce oui, que c'est vrai que le papier restait pas longtemps sur l'efface. Donc moi, c'est toujours de ça que je me servais. J'ai toujours trouvé le bout soit trop mou quand il était trop sorti, ou soit trop difficile en anglais quand j'écrivais, quand il était trop rentré. Je suis un gars bien précis sur sa longueur d'efface. J'étais très précis sur ma longueur d'efface. Et je déteste avoir une efface utilisée. On dirait qu'une efface vierge, C'est ça, la vie. Faut oui, que ça reste vierge. Tu pouvais facilement casser le bout si tu voulais que ça soit vierge. Là, c'était plus rond. Alors que tu voulais, tu pouvais pas faire ça avec ton efface rectangulaire. C'est vrai. Je te dis, je suis sûre que si tu réessayais ça aujourd'hui, t'aimerais ça, malgré qu'on n'écrit plus jamais avec des crayons. Non, ben, c'est l'ironie de la chose. J'achète tellement de crayons dans ma vie. Tellement. On n'écrit jamais. Jamais. Absolument jamais. Ensuite, allons-y avec le prochain. Des marqueurs avec odeur. Ah ben oui. Bien sûr, mais ça, je me demande, il me semble que c'était plus jeunesse... pas mal plus jeune. Il me semble que c'était plus au primaire. Même à la petite école, j'avais pas ça. C'était comme avant. Mais ça sent et j'imagine que tu peux avoir un high là-dessus. Pas mal. Senteur préféré de crayon surligneur ou crayon... ben là, dans ce cas-ci, c'est un crayon juste... Je trouve que celui-là qui sentait le plus proche de sa... ben, si on veut, de sa vraie odeur, c'était au raisin. C'est vrai, oui, le raisin. Les bananes, ça sentait jamais la banane. Je me souviens pas d'avoir senti un crayon à la banane. Ouais. Ça sentait tout le temps le chimique, tout ça. Ensuite, les stylos gel. Ah, oh, mon Dieu, que j'en ai eu. J'aime mieux les stylos gel que les stylos à billes. J'ai jamais compris l'intérêt des stylos à billes. J'aime pas ça. Au contraire, je déteste écrire avec un stylo gel. Okay. Mais il y avait plein de couleurs. Il y en avait avec des glitters, comme on voit sur l'image. Mm-hmm. Donc ça, c'est très le fun pour une petite fille... primaire, secondaire, plus secondaire, qui veut dessiner dans son agenda et garder plein de souvenirs. Ouais. Parce que moi, mon agenda, c'était vraiment un journal intime. Ben oui. On avait comme plus des compétitions de filles de qui va avoir le plus gros agenda à la fin de l'année. On collait des images de magazines là-dedans. C'est j'ai ridicule. Encore des vieux agendas comme ça chez nous. J'ai encore, c'est sûr. Tantôt, j'ai oublié de dire que les marqueurs qui sentent de la marque Mr. Sketch ont été inventés au milieu des années 60, alors que les crayons gel par Sakura Color Products Corporation. Ils ont sorti les crayons ball pens, les premiers à utiliser de l'encre à gel au Japon en 1984. Ils ont emmené ça aux États-Unis en 89. Et la compagnie a changé le nom du produit pour Jelly Roll. Et ils sont devenus populaires dans le milieu des années 90. Voilà. Ensuite, les agrippes crayons en genre de petit caoutchouc. Tu sais, là, tu pouvais insérer ça sur un crayon normal pour pouvoir mieux t'agripper à ton crayon et d'acheter un crayon qui avait une grippe après. Donc, c'était supposé ajuster le crayon pour la main des enfants. Mais je sais que là, on en voit en triangle. Ouais. Mais moi, celui que vraiment ça m'interpelle, c'est celui-là qu'on voit là en haut à droite. En spring. C'est ça, c'est comme coussiné. On voit c'était coussiné, puis c'était comme ondulé, un peu comme un petit bonhomme Michelin. Mais j'ai jamais aimé ça, parce que ça glissait tout le temps sur le crayon, puis non. C'est un échec total. Ça. C'était pas adapté du tout pour moi. Mais on peut encore les acheter sur assemblagerequis.com. Le lien est là. Ensuite, évidemment, le classique stylo multicolore. J'ai vu cet emballage-là qu'on voit sur l'image sur le site. J'ai vu exactement ce modèle-là récemment au magasin. Ça existe encore. Es-tu sérieux? Dans les grandes surfaces. Et ici, c'est le choix de quatre couleurs. C'est leur version plus, entre guillemets, typiquement et probablement de façon tout à fait contre l'évolution, l'évolution féminine à travers le temps. C'est la version pour filles. Mais tu vois qu'il ne marque plus. Au moins, c'est pas marqué genre Girls Edition. C'est juste, il y a un petit oiseau, puis le fond, il est mauve. Ça. Fait que tu en fais ce que tu veux. Ça. Mais ça paraît, là. Ça paraît que ça vise un public féminin. Ouais, Donc, on parle des couleurs vert, genre, pas néon fade, ou un vert pomme. Vert pomme, Granny Smith. Exact. Un genre de bleu beaucoup trop trendy, genre Zone Campus, c'est fou en ce moment. T'as le rose, très, très pink stuff, le rose bonbon. Et un mauve lavande. Oui, un mauve lavande. Environ. Donc, ça, c'est le modèle populaire en ce moment qu'on peut acheter. Évidemment, on avait tout ça, c'est toujours le fun. Moi, j'en avais un comme 8 couleurs. Ouais. C'était gros en plus. C'était énorme, c'est ridicule. Je sais pas pourquoi on avait besoin d'un crayon à 8 couleurs en même temps. Ensuite, toujours dans le palmarès des choses vintage du retour à l'école qu'on peut toujours se procurer aujourd'hui, les pencil toppers. C'est des petites figurines qu'on insérait sur le bout de son crayon mine. Ben oui. Une petite bête, ça pouvait être un animal ou une face de peu importe. Et souvent, on arrivait pour effacer avec ça, puis ça marchait même pas. Si seulement il avait fait une efface, mais là, tu aurais coupé les oreilles, tu aurais coupé les mots. Mais bon, on peut les trouver sur Etsy et sur eBay. Il y a des trolls aussi à l'époque qui allaient sur le bout des crayons. Des trolls. Ben oui. Oh mon Dieu. C'est vieux. Ensuite, allons-y avec les petites effaces en forme différente, par exemple de collet de crème glacée, bonhomme sourire. Là, ça effaçait. Ça effaçait pas bien, ça. Non, vraiment pas, ça effaçait pas bien et ça se mettait pas sur le bouton crayon. Donc, il fallait que tu le lances dans ton coffre à crayon, tu t'es faisais voler, tu t'échappes à terre. Ça servait à rien, c'était juste des petits bonhommes qu'on avait. Mais si vous voulez vous rappeler de souvenirs, vous pouvez quand même en acheter un ensemble de 500 pour 10$ sur Amazon. 500? Wow! Ensuite, c'est le dernier, c'est les boîtes à crayons en plastique. Ben oui. Ça aussi, j'en ai vu. Hier, j'ai vu ça à la coop. Je passais à la coop. Hier, il y avait ça. Apparemment que ça fonctionne toujours. Moi, je trouve ça trop gros. Je préfère les coffres à crayons plus escamotables et que tu peux comme vraiment compresser dans un sac à dos. Ce qui était très populaire dans mes années, je dirais, c'est... Ça existe encore, là. Je suis pas mal sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas magasiné d'équipe de fournitures scolaires. Mais c'était vraiment les pochettes en tissu avec deux fermetures éclair de chaque côté, attachées par une petite bandelette de tissu. T'avais le petit panneau de velcro au bout, là. Ça, je pense que c'est le standard. J'avais ça aussi. La languette de velcro pour empêcher les trucs de sortir par le côté, c'est ça? Parce que le milieu n'était pas sécuritaire. Mais à un moment donné, le velcro collait plus. Oui. Fait qu'il fallait quand même que tu mettes ton sac à crayons du bon côté dans ton sac, pas la tête en bas. Vraiment utile. Sinon, ça se vidait. Tant qu'à ça, je vais juste lancer mes crayons directement dans le fond du sac. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant que les sacs à dos ont des petites pochettes à crayons, tu sais, je m'en suis quand même acheté. Ouais, ouais. Je suis à quoi, puis tu t'attends à quoi, à part que je me sois acheté un paquet de cassons que j'avais pas besoin. Je pense que c'est assez évident que je fais ça. Oui, bien sûr. Là, je me suis acheté des petits post-it, genre en petite languette, genre par rapport. Et un coffre à crayon, parce que je trouvais carrément beau. Il y a des cubes, genre jaune vert dessus. Tu t'es acheté un coffre à crayon. C'est pas utile, hein? Je sais. Mais j'ai beaucoup de crayons, comme je te dis. C'est juste que je m'en sers pas. Mais tu sais, si j'avais un coffre à crayon, peut-être que je m'en servirais plus. Non, sûrement pas. Mais au moins, tu vas te servir du coffre à crayon au moins, en mettant tes crayons dedans. C'est l'utilité principale d'un coffre à crayon. Oui. Voilà pour le palmarès des une dizaine, je pense, de trucs qu'on retrouvait à l'école. Il y en a d'autres que vous connaissez probablement pas. En tout cas, moi, je ne reconnais pas les Pop-A-Point Pencils. Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Aucune idée. Et il y en a un paquet d'autres sur assemblagerequis.com. Ça nous amène à une autre chanson. Et après ça, on va revenir avec... c'est un fait. On a un petit bloc de faits assez savoureux tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va entendre une nouvelle entrée de l'album Going to Hell par The Pretty Reckless. Vous connaissez The Pretty Reckless pour leur chanson du même nom que l'album. Hein? Mais là, on va varier un petit peu avec un nouvel extrait qui s'appelle Heaven Knows. On va entendre ça pas mal là. Là, en ce moment? Heaven Knows. Comme là, dans quelques secondes? Je te dirais dans 3, 2, 1. Ah! On va à l'école. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows. Sing it up. Hey!

gêne et le cheval. Et faume. Au retour, c'est un fait. Assemblage requis. Restez là. La la la. Restez là. La la la la la. La la la la. Il était bon, mes bumpers, avant que je parle par-dessus. Je trouvais. À Trois-Rivières, c'est le 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. 8h59, presque 9h le matin, on dit jamais l'heure parce qu'on s'en sac, puis vous avez une montre, puis un téléphone, puis à un moment donné, ça va faire dire l'heure, là, hein? 8h59, là, ajoutez-la. Dans quelques instants, c'est un fait, mais avant ça, hier, on écoutait une chanson vraiment super bonne de The New Pornographers. Je savais que j'allais m'en faire jeter dessus. The New Pornographers, elle fait son entrée dans le palmarès. Là. Es-tu sérieux? Allons la réentendre. C'est Brill Browsers. Browsers? Browsers? Ouais. Hier, on disait que c'était le méchant dans Mario, ça, je pense. Ouais. Oh! Il est 9h! C'est intéressant. Ouais. The New Pornographers. Ouais. Pendant la chanson, Steph, t'as fait faire sortir, on va se le dire, un petit rot. Un petit rot. Des choses qui arrivent. En fait, je pense qu'il est peut-être sorti. Moi, j'allais le dire, tu sais, comme ça, sur le vif, j'allais le dire, j'ai aucun contrôle sur mon sphincter. Mais sphincter, c'est parce que c'est en bas. C'est l'autre orifice, l'autre, tu sais. Mais moi, je t'apprends qu'un sphincter, c'est pas juste ce qu'on appelle le sphincter en tant que tel. C'est un type de muscle, en fait. Le sphincter, c'est un muscle circulaire qui va être situé autour d'un conduit naturel. Donc, par exemple, Hein, ben on a celui que tout le monde connaît, hein? Oui. The anus. The anus, appelons-le par son super nom. Ben oui, sinon on a le pylore qui est placé en bas de l'estomac, qui va interrompre le passage des aliments vers l'intestin grêle. On a l'iris. L'iris, je sais pas pourquoi j'ai dit l'iris. L'iris. L'iris, qui est un sphincter, celui qui est responsable de la constriction, dilatation des pupilles. Sinon, on a aussi le muscle orbiculaire de la bouche. Hein, autour de la bouche et des lèvres, c'est un sphincter. Hein? Je te jure. C'est pour ça que tu dis autant de mal. Mange-en dedans. Ouais, c'est ça. Non, ça me rappelle, dans Batman, le célèbre vilain, le sphincter. Oui. Il est en train de te demander c'est quoi l'odeur de mon pet. Mais bon, ça, c'est un, il est peu connu, je trouve, juste dans les bandes dessinées. Oh mon Dieu. Qui apparaît dans les bandes. Je peux pas croire que j'ai l'air complice de tout ça. Ah, on a pratiqué ce gag-là un petit peu avant, tantôt. Pas le deuxième, je tiens à préciser. Ça, c'était du nouveau matériel. Non, c'est pas mon genre d'humour du tout, mais sur le moment, je l'ai trouvé. Des jokes de sphincter. Jokes de sphincter. Ah, come on, c'est tellement ton genre. Tellement, mais pas en nom, on dirait. Ça donne pas des fois. Mais bon, sur ce gage de qualité de notre émission Assemblage Requis, apprenons des choses un petit peu plus classe que ça. C'est un fait. Je savais que ça allait finir mal d'abord. Que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. T'embarques pas là-dedans. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses physiques, véritables et vérifiables. On n'est pas comme ça tous les matins. D'habitude, c'est comme ça l'après-midi. Habituellement, c'est ça. Mais étant donné qu'on n'apparaîtra plus ensemble dans les palmarès assez fous de Rélevant, ce sera avec Jean-Philippe Charbonneau, on peut s'attendre à que... pas mal plus de blagues de pète, probablement. commençons par les dents de sagesse, Stéphanie. Savais-tu que 35% de la population naît sans dents de sagesse? 35%? Ta bouche n'a peut-être pas reçu... Ta bouche... tes genoux, droit devant, mets le doigt derrière. La danse d'Hélène. Jean, oui, things you do. Make crazy about you. Donc, ta bouche n'a peut-être jamais reçu le mémo qui était supposé d'avoir des dents de sagesse chez certaines personnes. L'évolution et travail de notre barre, en fait, graduellement, on perd nos dents de sagesse avec l'évolution. Les scientifiques comprennent pas trop pourquoi elles disparaissent, ces dents-là. Mais c'est la seule chose, dans le fond, dans le non, c'est les seules dents qui se développent entièrement après la naissance. Donc, c'est plus difficile pour la nature de sélectionner contre ça ou envers ça. La façon que ces dents-là poussent, c'est que la dent va construire du tissu dans le corps, dans la bouche, tranquillement. Et puis, ça va aller vers le fond de la bouche, si je comprends bien, mais je n'ai pas étudié en médecine. Donc, quand ça n'a pas lieu... Non, ça paraît. Quand ça n'a pas lieu, les dents de sagesse ne vont pas pousser. Certains scientifiques essaient de se débarrasser volontairement de ces dents-là de façon permanente parce que les dents de sagesse ne commencent pas à apparaître avant une douzaine d'années. Donc, après ta naissance, ils pensent que ce serait possible, les scientifiques, d'utiliser un laser ou un produit chimique pour empêcher ces dents-là de pousser. Je pense que ça serait plus simple que ça parce que, je te dirais, 90% des... 75% des gens qui ont des dents doivent se les faire enlever de toute façon. 65% des gens qui en ont, après ça, 90% des gens se les font enlever dans ceux-là. C'est bien ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, 65%. Tout à fait. Alors, on estime que le 2/3 des chirurgies pour enlever les dents de sagesse ne sont pas nécessaires. Ah? Ouais, et étant donné la douleur qui vient avec ça, je sais pas si t'as déjà vécu... cette épreuve-là de la vie. De se faire enlever les dents de sagesse, bien sûr. C'est éprouvant, en effet. Plusieurs croient que les empêcher de pousser serait une meilleure idée que de se les enlever par après. Ben, en fait, moi, c'est parce qu'ils poussaient à l'horizontale en bas. Oh boy. Donc, ça poussait sur toute ma lignée de dents. Moi, je pense que c'était nécessaire. Oui. Parce que je me suis retrouvée avec des dents horizontales et les dents qui se seraient toutes mélangées. J'aurais eu des incisives en arrière puis des molaires en avant. Ça aurait été beau, hein? Chouette. En Italie, on avait des voitures de police très, très rapides, très, très, tu sais, qui roulaient vite. Quand quelqu'un se fait arrêter par la police, évidemment, c'est le fun de se faire, tant qu'à se faire arrêter par quelque chose, un bolide vraiment... Ouais, une Ferrari. C'est ça, ben, c'est une Lamborghini. Quand même. Qui a fourni... Sérieusement? Oui, une Lamborghini, qui a fourni à la police d'État italienne une Gallardo LPS, LP560-4 en 2008. La voiture de police la plus rapide du monde, mais ça n'a pas duré tellement longtemps. C'est qu'un trio de voitures a été présenté à la police pour aider à capturer les criminels sur l'autostradas. Ça, j'imagine que c'est leur sorte d'autoroute. Au plus de 4700 personnes meurent sur cette route-là, en fait, était mort cette année-là sur la route. Wow, c'est énorme! Énorme. Donc, les voitures de police blanches et bleues avaient une caméra de surveillance vidéo, avaient un rack à fusil, gun racks dans la voiture, un GPS, un réfrigérateur pour le don d'organes, ben pas le don d'organes, mais le transfert d'organes dans la voiture de police, et un défibrillateur en cas d'urgence. Malheureusement, une de ces super voitures a été, ben, en fait, été conduite par un officier de police qui a foncé dans une ligne de voitures stationnées tellement fort qu'une des voitures stationnées a fini sur le toit de la Lamborghini. C'était pas sa faute, c'était causé par une voiture qui bougeait très lentement, qui est sortie d'une station-service sans regarder où elle allait. Et ça a fait que l'autre qui allait super, super vite a foncé dans une ligne de voiture et une voiture a fini sur le toit. Wow! C'est un film d'action, digne d'un film d'action. Ensuite, il y a une mine en Pennsylvanie. On parle d'une mine, une mine sous la terre. Hein? Ah. Oui. Qui est un endroit où les gens travaillent, mais c'est vraiment très, très particulier. C'est probablement le bureau le plus bizarre du monde. C'est un bureau du gouvernement américain. C'est dans des cavernes, dans les mines Limestone en Pennsylvanie. C'est devenu un bureau. Ça a été changé, transformé en bureau pour l'Office of Personnel Management. 600 employés travaillent à 20 étages, en dessous de la terre, dans la campagne de la Pennsylvanie. C'est des employés fédéraux dans ces cavernes-là qui font de la paperasse pour les gens retraités et des employés fédéraux. Donc, manuellement et sur papier. La date n'est pas entrée dans un ordinateur. Pas la date, les données, the data. Ouais, ouais. Les données ne sont pas entrées dans un ordinateur. Tout est fait manuellement dans des dossiers de carton. Donc, on va chercher des dossiers dans des gros trucs à tiroirs, classeurs, cabinets, si on veut. Et puis, on y va avec un système qui passe de bureau en bureau et de caverne en caverne, suivant 5 étapes dans ce processus très laborieux. Donc, c'était, on travaille comme en 1977. Genre, on dit que c'est aussi lent aujourd'hui qu'en 1977. Wow, mais c'est donc bien bizarre et inefficace. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. C'est pas juste pour faire différent. Pour faire jaser le monde, non. Et c'est pas non plus, on aurait pu se douter que c'était peut-être parce que c'est des dossiers top secret, faut pas que ça aille dans le nuage, les hackers, tout ça. Ouais. Mais non, c'est pas ça du tout. La seule raison pour laquelle ces bureaux-là sont dans une vieille mine, c'est parce que c'est le seul espace que le gouvernement a réussi à trouver qui était assez gros pour accommoder les 28 000 classeurs dans un seul endroit. 28 000 classeurs. Ouais. Depuis les 30 dernières années, plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour automatiser ce processus à l'ancienne mode, pour que ça fonctionne avec des ordinateurs comme pas mal tout aujourd'hui. Mais pour une raison inconnue, ça n'a pas fonctionné et la mine, les travailleurs et la paperasse sont toujours pris dans le passé en ce moment même. Wow! En Pennsylvania. Bizarre! Ouais. Ensuite, sans gin et sans boisson chez les mineurs, on n'aurait jamais eu Dr. Seuss. Là, tu parles de mineurs dans une mine ou mineurs qui n'a pas eu 18 ans? Non, là, c'est les mines de crayons. Non. On parle de mines... quoi est-ce qu'on parle de mines? Qu'est-ce que j'ai dit sur t'as les mines? T'as dit les mineurs. Les mineurs, oui, c'est ça. Donc, non, on parle de mineurs des enfants, finalement. Okay. Donc, Dr. Seuss, est-ce que tu connais Dr. Seuss? Oui. C'est le créateur du Grincheux, entre autres, le chat dans le chapeau. Oui, oui, oui. Truc comme ça, les contes pour enfants. Donc, pas vraiment besoin de présentation. Peut-être plus au Québec parce qu'on ne connaît pas autant ces contes, genre Green Eggs and Ham et un paquet d'affaires comme ça. Et on a connu surtout les films, adaptations américaines, blockbusters et autres avec, mots comme ça. Avec Jim Carrey. Jim Carrey, entre autres. Horton Hears the Who, aussi, qui a été créé par monsieur Dr. Seuss. Mais son vrai nom, c'est Theodore Geisel. Ou Geisel, ou quelque chose comme ça, qui était membre d'une classe, de la classe de 1925 au Dartmouth College, une école. À Dartmouth, il a participé au magazine humoristique Dartmouth Jack-O-Lantern, hein, et éventuellement, il est devenu rédacteur en chef de ce magazine-là humoristique. À Dartmouth, il s'est fait prendre en train de boire du gin. Donc, le doyen de l'école... Les doyens ne fonctionnent pas pareil comme ici, mais bref, la personne qui s'occupe des élèves, des étudiants là-bas, donc a insisté à ce qu'il se retire, à ce qu'il s'enlève complètement des activités parascolaires ou extracurriculaires, comme le mot dépend de la situation, dont le magazine, pour pouvoir continuer de travailler sur le magazine ou avec le magazine, sans la connaissance ou sans que le doyen le sache, il a trouvé le nom Dr. Seuss et il a continué à écrire et dessiner. Ah. En fait, ça précise pas s'il a dessiné. Il a juste continué avec le Dartmouth Jack-O-Lantern, qui est une citrouille. Oui, oui. Voilà. Ensuite, un piercer, body piercer, a fait des ajustements à son poignet pour pouvoir avoir en tout temps une montre intelligente avant que les montres intelligentes existent. Hein? Tu te rappelles les iPod Nano? Oui. Quand ils étaient carrés, on pouvait avoir une horloge dessus, une montre. OK. Bon. Donc, lui, c'est un body piercer, M. David Huba, qui était tanné de tout le temps avoir son iPod Nano sur un bracelet. T'sais, des fois, les bracelets, ça donne chaud, puis c'est pas le fun, ça. Donc, il s'est fait implanter des aimants dans son poignet. Donc, à quatre endroits sur son poignet pour pouvoir tenir son iPod Nano en place. Ça a juste l'air de tenir dans les airs, sans absolument rien autour. La procédure peut être assez douloureuse, nous dit-on, mais il a réussi à le faire lui-même. Évidemment, c'est un body piercer professionnel. Quand même, il faut avoir quand même du cran, du guts. Ou un peu de conscience, peut-être, un petit mélange des deux. Et peut-être un petit peu trop de vivre dans le présent, genre à court terme, genre le présent et le futur à court terme, parce que clairement, iPod Nano, ça a fait son temps, ça a changé de forme, c'est devenu d'autres affaires. Ouais, ça peut toujours être pratique, des aimants dans le poignet, si tu veux traîner ta fourchette pour l'heure du midi. Ou... Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, j'espère que peut-être que la prochaine iWatch, on pourra peut-être enlever son bracelet, puis peut-être qu'il va pouvoir se coller ça sur le poignet aussi. Donc le futur, elle s'annonce très bien pour monsieur. Ben oui. Ouais. Mais la fourchette, c'est, je pense, la meilleure idée. Clairement. Même une salière poivrière. Tu pourrais tout, tu sais, oui, en métal. Oui, ben oui, pourquoi pas? Un aimant, mettons, cute, juste un petit aimant de frigidaire, là. Tu veux changer de look une fois de temps en temps? Moi, là. J'allais dire tout simplement le frigo. Juste le frigo, pourquoi pas? T'as amené ton lunch. Ben oui. Ensuite, on a déjà parlé du fait que orange n'était pas la couleur d'origine de la carotte. Mais je sais pas. Allons-y dans les détails. Retournons au 17e siècle. Les carottes étaient disponibles en plusieurs couleurs, en fait en blanc et en mauve. Jusqu'à ce que des fermiers hollandais réussissent à modifier ces carottes-là pour qu'elles soient oranges, pour aller avec un règlement de la House of Orange-Nassau et comme hommage à William of Orange. Donc, l'orange, la carotte orange, en fait, a été créée, comme on l'a dit, en Hollande, en tout cas aux Pays-Bas, dans la ville de Hoorn, vers 1721. Et on doute, les experts doutent de son existence, de la carotte orange, avant le 16e siècle. J'ai presque dit carotte. Hein? l'histoire est des milliers d'années de carottes jaunes, blanches et mauves ont complètement été démolies, détruites en une seule génération. Au 18e siècle, on a dit que c'était un hommage offensant. Et on a forcé William of Orange à quitter la place là-bas. Donc, les carottes étaient trop provocantes. Ben oui, on dort. Ben oui. Donc, les médias disaient que c'était trop provocant. La couleur orange. OK, je sais pas trop où ça nous mène, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a que des carottes oranges. Non, il y en a des mauves aujourd'hui, mais probablement que c'était remodifié. Probablement pour revenir à l'ancienne formule. Hein, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est un peu étrange. Oui, je sais pas, j'imagine pas. Les carottes oranges, ça fait pas le matin. C'est comme le ketchup mauve. Excuse-moi, les carottes mauves. Ouais. C'est pas le matin. Un peu comme le ketchup mauve ou les croustilles bleues, genre de maïs. Ça a l'air bon, mais on dirait que j'ai pas encore eu vraiment l'envie extrême de l'essayer. Mais il y a des choux-fleurs aussi de couleur vert et... Ça goûte la même chose que les vrais, ça. J'en ai aucune idée, j'en ai jamais mangé. Ça, j'ai goûté. Ensuite, un bateau tellement bien préservé, en fait, pas le bateau, mais ce qu'il y avait dedans. La nourriture à bord est toujours en forme. Incroyable comment les restants dans le frigo peuvent devenir une motte de moisissure en quelques jours, semaines... Peu importe le plat que vous utilisez. Oui. Alors qu'à l'époque romaine, les vaisseaux marchands, donc les bateaux qui transportaient de la nourriture et de la marchandise, il y en a un qui a été trouvé sur les côtes de l'Italie avec de la nourriture qui est toujours intacte à l'intérieur. En 2012, des plongeurs ont découvert le bateau qui était toujours en très bonne condition, ainsi que la nourriture à l'intérieur qui était scellée dans des pots. Je sais pas si c'est des pots maçons, en fait, des pots. Probablement. Probablement. Les premières personnes à avoir été mises au courant qu'il y avait de la nourriture, ou en tout cas au moins un bateau ou des restants de quelque chose en dessous de l'eau, c'est des pêcheurs locaux qui ont commencé à remarquer des poteries, des pots, des trucs, de la poterie, quand même, dans leur filet. Les plongeurs policiers ont rapidement été amenés sur le lieu de tout ça. Ils ont opéré pour trouver tout ça à l'intérieur de ce bateau qui est vieux de 2000 ans. Des tests préliminaires nous apprennent que la nourriture à bord, c'était entre autres du poisson, du vin et des huiles. On dit du poisson pickled fish, le genre avec mariné. Mariné, le mot que je cherche. Ah ouais, c'est pas du poisson cornichon? Poisson cornichon, comme on l'appelle, le poisson cornichon après le poisson marteau. Donc, c'est tout ça en très bonne condition quand même, surtout à cause des couches de bouette qui ont été rajoutées par-dessus pour les protéger de tout. Donc, on prévoit pas remonter le bateau à la surface, mais la place a été sécurisée. On empêche les bateaux, en tout cas le trafic, qu'est-ce qu'on dit, le trafic naval, maritime, marin et autres, de circuler dans cet endroit-là. Et finalement, le film Top Gun a augmenté le recrutement aux États-Unis dans l'armée. Ça me surprend pas. Ils sont tellement influençables, les Américains. Bande de petits moutons. Donc, savais-tu probablement que le Pentagone, ou le Pentagone, dépendant, a travaillé en collaboration avec Jerry Bruckheimer sur le film Top Gun? Non. Tout à fait vrai. Les États-Unis avaient besoin de plus de gens dans l'armée. Donc, l'armée a travaillé avec M. Jerry Bruckheimer, et en tout cas, les gens, peut-être pas monsieur directement, mais en tout cas, au moins les gens qui travaillaient autour du film, pour avoir des publicités qui étaient dirigées directement vers les téléspectateurs. Ben, les gens qui étaient présents au cinéma. Comment tu dis ça à une personne qui regarde un film? Je me pose tout à la question. Ciné-spectateur. On va dire ça. Mettons. Si on veut, ça ne dit pas. Mais bon, bref, pendant que le film était à l'affiche, il y avait des kiosques ou des stands de recrutement à l'extérieur des cinémas pour attirer les ciné-spectateurs. finalement, ça ne marche pas même. Pour s'inscrire avant et après le film, après que les salles étaient installées, donc, on a remarqué qu'il y avait une augmentation du recrutement, ou en tout cas des personnes qui s'inscrivaient. Ces publicités-là montraient souvent des images fantastiques de batailles de guerre, là, super viriles, et ça a donc l'air wow, comme un jeu vidéo ou un film pour attirer. Mais c'était un film, c'était, déjà. En effet, un film. Donc, l'armée avait aussi un partenariat similaire à ça avec les producteurs de X-Men First Class, où ils montraient aussi d'autres images fantastiques pour aider à ramener des recrues. Voilà. Des recrues mutantes? Des recrues mutantes pour la future armée mutante des États-Unis. Merci, Barack Obama. Hein? Merci. Voilà pour cet effet. On fait ça habituellement les lundis à Saint-Lazare. On va aller avec une autre nouvelle entrée francophone. Vous avez remarqué qu'on en a beaucoup aujourd'hui. On a vraiment énormément. Et je pense que l'émission de jeudi, on va passer une bonne heure et demie là-dessus. As-tu compté environ combien? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, maison. Wow! Incroyable! Wow. La prochaine est du côté francophone. On a enfin reçu le nouvel album d'Hôtel Morphée. On est habitué d'entendre leur album, leur pièce, Dernier Jour. Allons écouter Hôtel. De l'Hôtel Morphée? C'est sûrement leur chanson thème. J'espère qu'elle sera pas aussi endormante que Morphée lui-même. Sûrement pas. À date, ça va bien. Je suis toujours debout. Non, pièce. Nos regards seront familiers. On se trouve C'était du côté francophone, nos amis d'Hôtel Morphée, la pièce Hôtel. Voilà. Tantôt, on était en plein milieu de son foutu palmarès il y a quelques temps de ça. Ça commence à faire longtemps. Mais quand même, on remettra pas l'intro d'une minute. Là. On perdra pas de temps avec ça. On va continuer avec le top 7 des noms américains pour les produits, des noms internationaux pour des produits américains, Steph. C'est-tu clair? Oui, oui, c'est parfait, ça. Des produits américains qui portent un autre nom ailleurs. Bon, des fois, les produits américains sont disponibles partout dans le monde, mais ils doivent changer de nom pour s'adapter à la langue, à la culture, mais etc. Oui. Ça s'adapte pas toujours bien. Hein? Donc, 7 produits qu'on peut acheter partout ailleurs, ou en tout cas, produits ou compagnies. Commençons par Hungry Jack's, qui est la version australienne de Burger King. Hein? En 1971, Jack Cohen a acheté une franchise australienne pour Burger King de la compagnie Pillsbury Company. C'était les propriétaires à l'époque. Mais étant donné que le nom Burger King était déjà enregistré là-bas, il était obligé d'utiliser un autre nom et on lui a offert une liste de noms qui étaient utilisés utilisés aux États-Unis mais qui n'étaient pas utilisés en Australie. Et sur la liste, il y avait Hungry Jack. Et comme c'était son nom, Jack Cohen, il a choisi ce nom-là. C'était à l'époque un mélange pour faire des crêpes aux États-Unis. Donc, ils ont pris ce nom-là, Hungry Jack, pour l'adapter pour faire Burger King en Australie. En 99, Burger King a commencé à opérer des restaurants sous son propre nom en Australie. Donc, il y avait des Hungry Jacks. Des Burger King avec des logos très très similaires. En fait, vous allez voir les images de Hungry Jack, c'est juste un logo de Burger King avec les mots changés, mais de l'époque, pas le plus récent logo. Mais bon, bref, ils se sont combinés ensemble en 2003. Hungry Jack et Burger King sont maintenant la même compagnie donc en Australie depuis 2003. Ensuite, les Doritos Cool American. C'est comme ça qu'on appelle les Doritos Cool Ranch en Europe. Une des saveurs les plus populaires de Doritos aux États-Unis, c'est Cool Ranch. Mais par contre, dans plusieurs parties de l'Europe, la saveur s'appelle Cool American parce que les Européens préfèrent appeler la sauce Ranch de la sauce American pour des raisons qu'on ignore. Mais bon, hein, c'est les Européens, les Français particulièrement, aiment beaucoup les mots en anglais dans leurs produits. Donc. De toute façon, Cool Ranch, elle était aussi en anglais, mais Ranch, ça s'appelle pas Ranch là-bas. Fait mais moi, je sais pas, ils ont peut-être juste pas la même association avec Ranch. Ouais, c'est ça. Peut-être que Ranch, c'est d'autres choses plus cowboy. Ça goûte la bouse de cheval. Ça goûte déjà ça, non? Un peu. Ranch! C'est une de mes saveurs préférées. Dans un sous-marin, Ranch, c'est miraculeux. Ah. Ranch, j'adore ça. Ensuite, on appelle tout ce qui est diète dans les liqueurs, les boissons gazeuses en Europe, les Diet Coke, entre autres. On appelle tout le temps ça light là-bas. Ils n'aiment pas le mot diète, eux. Donc, je suis tout à fait d'accord. Oui, hein? Ben moi aussi. C'est comme on n'appellera pas ça diète régime, non? Genre Coke régime, voyons non, en français, ça ne prend pas. Donc, Coke diète s'appelle Coca-Cola Light partout en Europe. La boisson gazeuse, c'est exactement la même recette que la version américaine, mais le mot light est associé avec moins de calories en Europe, alors que diète ne veut pas vraiment dire grand-chose, on dirait. Ensuite, c'est une chaîne américaine qu'on connaît plus ou moins au Canada. C'est TJ Maxx. En Irlande, ça s'appelle TK Maxx. Pourquoi? Ben, c'est un magasin grande surface de vêtements, entre autres, qui s'appelle TK Maxx en Irlande et partout au Royaume-Uni. Sa compagnie parent, TJX Companies, a renommé ça pour que les Irlandais et les Britanniques ne confondent pas le magasin avec leur marque déjà connue TJ Hughes, donc qui est assez populaire au Royaume-Uni. Donc TJ Maxx, TJ Hughes, les gens auraient mélangé les deux, donc on a préféré TK Maxx. Mais bon. Il y aurait sûrement eu d'autres façons de trouver un meilleur nom que TK. Je trouve ça bizarre. Ouais. Enfin, bref. On va appeler PK Subban, PJ Subban. Ça, PJ, puis je sais plus c'est quoi les noms. En tout cas, bref. Ouais. Ensuite, le Kraft Dinner. Qui, ouais, au Canada, ne s'appelle pas Kraft Dinner. Non, c'est le contraire. Non, attends un peu. Au Canada, ça s'appelle Kraft Dinner, mais pas aux États-Unis. T'as bien raison, c'est exactement le contraire. Parce que j'ai regardé juste un peu avant, puis j'étais complètement mêlée. J'ai dit, mais oui, mais ça s'appelle déjà Kraft Dinner. T'as regardé mieux que moi, en fait. Parce qu'on est ici, c'est ça le problème. On est ici, on est trop habitués à avoir cette marque-là. Mais bref, Kraft Dinner, qu'on appelle souvent KD, nous, on l'appelle comme ça, mais partout ailleurs, ça s'appelle Kraft Macaroni and Cheese. Et si vous allez voir les boîtes, les photos des boîtes, ça le prouve. C'est vraiment vrai. Donc, KD, Kraft Dinner. Kraft qui a présenté ce produit-là pour la première fois sous le nom de Kraft Dinner au Canada et aux États-Unis en 1937. Par contre, à la fin des années 50, Kraft a ajouté les mots macaroni et fromage sur son emballage de Kraft Dinner. Et le terme a commencé à être plus populaire. Les gens l'appelaient comme ça. Dans les années 70, Kraft Canada a commencé à utiliser une étiquette bilingue en français et en anglais sur tous ses emballages. Résultat, donc, les produits canadiens incluaient les mots Kraft Dinner en plus gros et en plus gras de côté de la boîte et Dîner Kraft de l'autre côté. C'est comme ça qu'on appelait ça en français, dîner craft. J'ai jamais utilisé l'expression dîner craft. Il n'y a personne qui dit dîner craft. Jamais. Les mots macaroni au fromage étaient en plus petit, macaroni au fromage, et puis en anglais, macaroni and cheese. Donc, les gens ont commencé à juste appeler ça craft dinner parce que le mot en français, macaroni au fromage, était trop petit. Trop petit. Mais en fait, tout ce qui est macaroni au fromage, sauf le craft dinner, on sait du mac and cheese. Mac and cheese. Mais je sais pas pourquoi ça aurait pas pu être mac and cheese. Ouais. J'ai vu un restaurant, je me rappelle pas c'est lequel, un restaurant de fast-food assez gros, peu importe lequel, qui parlait d'un, je crois que c'était un hamburger mac and cheese, mais sur des publicités en français, ça s'appelle un hamburger mac and cheese. Je sais pas au Québec, on utilisait si souvent que ça, oui, mac oui. and cheese. C'est quand même in, je te dirais. Oh, ouais. Tu peux aller dans des grands restaurants, tu sais, même des restaurants... soit bistrot gastronomique, et le mac and cheese est souvent sur le menu, c'est quelque chose d'assez réputé. C'est sûr, il va être modifié, ça va être des fromages ouais, autres fancy, que le ouais. cheddar et tout ça, mais le mac and cheese est un terme de plus en plus employé, je te dirais, en gastronomie, même en français au Québec. Eh ben, je savais pas ça. Et non, j'ai vu ça quelque part, c'était un hamburger avec une boulette de macaroni au fromage frit. Ça a l'air vraiment bon, mais c'était pas je parle pas de la même publicité que tantôt au Québec, là, c'était ailleurs dans le monde, mais quand même, ça a l'air vraiment bon, je trouve. Je l'essayerais. Ben, vraiment. Là. Bizarrement. Un petit peu de ketchup autour de ça, puis miam, miam, miam, miam. Ensuite, on s'en va en Allemagne, où M. Net s'appelle Meister Proper. Meister Proper. Le produit Mr. Clean de Procter & Gamble, un produit international. On sait qu'en France, ça s'appelle Monsieur Propre et non Monsieur Net. Tu savais ça? Non. C'est vrai, c'est Monsieur Propre. Ouais, donc c'est traduit dans plusieurs langues, contrairement à bien d'autres produits qui ont tout à le même nom partout, juste en anglais. Ouais, celui-là, ouais. On a choisi vraiment de l'adapter. Et en allemand, c'est Meister Proper. C'est le même produit avec la même mascotte de marin américain. Ben, en tout cas, qui a l'air, je trouve, typiquement américain en le regardant, mais en même temps, il a juste l'air d'un humain ou encore d'un pouce. Quand tu regardes sa tête, il est en forme de pouce. Et finalement, je pense que celui-là, c'est le plus connu dans le monde, surtout en ce moment avec le concours de saveurs Do Us a Flavor, faites-nous une saveur, je pense, en français. Bref, c'est la compagnie Lay's. Ouais. Au Royaume-Uni, ça s'appelle pas Lay's, ça s'appelle Walkers. Walkers? Walkers. Fondé en 1948, Walkers est devenu rapidement la marque de croustilles, ou comme on appelle au Royaume-Uni des crisps. Ils appellent pas ça des chips, eux autres. Les chips, c'est des frites, eux autres. C'est super mêlant. Donc, au Royaume-Uni, il y a leur crisp préféré, fondé en 1948. Par contre, Pepsi a acheté Walkers et ensuite a refait la marque avec le logo de Lay's. Sur ses produits en 1989. Ils ont mis le logo de Lay's. Voilà. La collation reste quand même la même, mais PepsiCo ou Pepsi Company a décidé de garder le nom Walkers pour assurer une loyauté par rapport aux clients, pour garder les clients qu'il y avait déjà au Royaume-Uni. Donc, Walkers a plus de saveurs exotiques que son contrepartie américain. Entre autres, il y a cheeseburger américain. Il y a... Agneau et menthe. Agneau, bon point, j'allais dire chef, de ma raison, c'est un agneau. Il y a aussi un chutney, qui est une recette quand même populaire là-bas. Et en Afrique du Sud. Aussi. Le chutney, c'est populaire ici? Ben c'est, oui. C'est pas un genre de... C'est comme le ketchup aux fruits, c'est un chutney, hein? Ouais, un genre de truc de même. Ouais. En tout cas, ça a l'air bon. Voilà pour son foutu palmarès. Fait que c'est pour ça que un fish and chip, c'est des frites. C'est des chips et des frites, c'est ça. C'est des frites parce que c'est anglais. Exact. Et des croustilles, comme on l'a dit, c'est des crisps. Ah! Ouais. Non, mais ici, des crispers, par exemple, attention, non. Ce ne sont pas des craquelins. Non. Ce ne sont pas des chips, ce sont des crispers. Des crispers. Non. Direct. Et voilà. Ah, c'est tout pour Assemblage Requis aujourd'hui. Ah, déjà? Ah, ben oui, c'est tout. Oh. Ouais. Mais on est de retour demain entre 6h30 et 9h30 pour une nouvelle édition d'Assemblage Requis. Demain, on est mercredi, on va voir entre autres. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On a aussi le mercredi, habituellement, le poste d'écoute. Et Alexandra Carignan. Et là aussi, c'est demain. Parfait. Mercredi, c'est bien ça? Ouais. C'est mercredi, Alexandra Carignan, chroniqueur et spectacle, le temps de culture. Oui. Mais oui. Restez sur nos ondes, sur C'est fou plus tard aujourd'hui. Évidemment, à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, nouvelle saison qui débute à partir de 13h. Pour ceux qui avaient entendu dire que c'était rendu le matin, là, vous avez rêvé. C'est n'importe quoi. À 15h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. Et 19h, réanimation avec le docteur Pendragon. Sifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci Steph. Merci Mathieu. Merci à Charles-Antoine Rioux. Et on se retrouve demain à 6h30 en direct à partir de 7h30. Voilà. Bye. Le lecteur se détend encore en mode sleep. Yep. Et go! Yeah! Food Indie Rock. Oui, Food Indie Rock. C'est moi ça. 89.1. Parle-moi. Dis-moi en plus. Chut, chut. OK.